إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Bienvenue à tous, chers auditeurs, qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous bénisse et vous accorde la réussite. À partir d'aujourd'hui, incha'Allah ta'ala, nous allons commencer l'étude du chapitre de l'ascétisme et la retenue de Bulugh al-Maram du grand savant Ibn Hajar al-Asqalani, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fasse miséricorde. Et j'ai choisi l'étude de ce chapitre en particulier pour deux raisons principales. La première, et que ce séminaire, comme vous avez pu le constater, porte le nom de l'imam Muqbil ibn Hadi al-Wadi'i, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fasse miséricorde. Et Cheikh Muqbil était très connu pour être un ascète et pour avoir de la retenue. Lorsque nous étions au Yémen, certains de nos mashayikhs avait pour habitude de mentionner certaines histoires de Cheikh Muqbil, qu'Allah lui fasse miséricorde. Et en méditant sur celle-ci, il apparaît clairement que le Cheikh rahimahullah possédait ces deux comportements. Et parmi les histoires qui m'ont marqué, il y a celle avec le frère originaire du Qatar. Certains mashayikhs rapportent qu'un jour un Qatari se rendit chez Cheikh Muqbil rahimahullah pour lui donner une très grosse somme d'argent qu'un riche de son pays lui avait confié de donner au Cheikh. L'homme en question dit au Cheikh rahimahullah: je viens de la part d'un tel qui m'a chargé de te donner cette somme d'argent. Et le Cheikh s'empressa de refuser. Pourtant le Cheikh n'était pas riche. Il avait une maison très modeste. Et la vie était très très dure dans son institut à son époque. Certains élèves étaient même contraints de manger des légumes avariés. Tandis que d'autres n'avaient qu'un œuf à casser dans la poêle pour nourrir toute leur famille. Malgré tout cela, le Cheikh rahimahullah refusa cette somme d'argent. Et l'homme s'étonna de ce refus. Comment le Cheikh peut-il refuser cet argent alors que sa situation n'est pas des meilleures? Il s'empressa alors de réitérer sa demande. Toutefois, la réponse fut la même. Il dit alors au shir que cette somme était colossale et qu'il fallait qu'il accepte. Mais le shir, rahimahullah, refusa une fois de plus. Puis lorsque l'homme désespéra de convaincre le shir, il laissa l'argent et prit la fuite. Et Cheikh Mourbil, rahmahullah, de prendre cet argent et de dépenser la totalité pour ses élèves. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fasse miséricorde. Regardez, chers auditeurs, à quel point le Cheikh, rahmahullah, faisait preuve d'ascétisme. Et il a certains livres qui témoignent de son ascétisme. Parmi eux, son livre intitulé Dhammul Mas'ala, le blâme de demander aux gens. Un livre qui a fait pleurer certains étudiants en sciences et certains savants. Parmi eux, nous retrouvons l'honorable Cheikh Rabi' ibn Hadi al-Matkhali, qu'Allah le préserve. Un savant de Médine rapporta à notre Cheikh Yassine ibn Ali al-Adani, qu'Allah lui fasse miséricorde, qu'un jour il rentra auprès de Cheikh Rabi', qu'Allah le préserve, et il pleurait en lisant le livre de Cheikh Mourbil, le blâme de demander aux gens. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de faire miséricorde à Cheikh Mourbil ibn Hadi al-Wadi'i, d'élargir sa tombe, de l'élever en degré, de lui effacer ses péchés. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il soit avec les prophètes, les véridiques, les martyrs et les pieux. Et il fait certes partie du droit des savants sur les étudiants qu'ils invoquent Allah subhanahu wa ta'ala en leur faveur. Certains savants d'Andalousie disaient à certains de leurs élèves: qu'avez-vous donc à prendre de nous la science et ne pas invoquer la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala en notre faveur? Et la deuxième raison pour laquelle j'ai choisi l'étude de ce livre est pour clarifier qu'est-ce que l'ascétisme et la retenue, car de nombreuses personnes à notre époque ont prétendu être des ascètes aguerris, alors qu'il n'en est rien, tandis que d'autres parlent jour et nuit d'ascétisme, sans science et sans argument tangible. Par conséquent, j'ai vu juste de profiter de l'occasion pour parler sur ce sujet. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de me faciliter dans cette tâche. Comme nous l'avons cité précédemment, ce chapitre s'intitule L'ascétisme et la retenue. Et l'ascétisme, d'un point de vue linguistique, c'est-à-dire dans la langue arabe, l'ascétisme signifie une chose en petite quantité. Et dans la religion, cela consiste à délaisser ce qui n'est d'aucune utilité dans l'au-delà, en ne prenant de ce bas monde que ce qui sera profitable dans l'au-delà, et en délaissant tout ce qui est autre. Donc ici nous voyons que l'ascétisme n'est pas le fait de délaisser complètement les choses d'ici-bas et d'être coupé du monde, comme le pensent certains. Malheureusement, comme dans la plupart des sujets, certains ont mal compris ce qu'est l'ascétisme et ont fait preuve d'exagération. Parmi eux, nous retrouvons la secte des soufis, car selon eux, l'ascétisme consiste à délaisser ce qui est permis, tel que la nourriture, la boisson, les vêtements et autres. Et ils ont construit des édifices réservés à l'adoration et ont prétendu qu'ils s'y rendent pour se couper totalement du monde et se consacrer à l'adoration. Et avec cela, ils ont délaissé la prière à la mosquée, tout comme ils ont négligé les droits des gens qui sont à leur charge, tels que l'épouse et les enfants. Et ils tombent même dans des choses interdites, telles qu'écouter des choses interdites, danser et d'autres choses, contredisant la législation. Rajoutez à cela les évocations innovées qu'ils prononcent, telles que « Hayyul Qayyum, Hayyul Qayyum » ou encore « Allah, Allah, Allah ». Tout ceci en prétendant que cela fait partie de l'ascétisme et le délaissement de cette vie, alors que l'ascétisme consiste plutôt à prendre la vie d'ici-bas comme moyen pour l'au-delà. L'imam Ahmed ibn Hanbal disait, rahimahullah, que l'ascétisme est de trois sortes. La première sorte est le délaissement de l'interdit. Et ceci est l'ascétisme des gens de la masse. Ensuite, nous avons la deuxième sorte, qui est le délaissement du surplus des choses permises. Et ceci est l'ascétisme des grands ascètes. Et pour finir, nous avons la troisième sorte, qui est le délaissement de ce qui détourne d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceci est l'ascétisme des connaisseurs. Et l'ascétisme a de nombreux bénéfices. Le premier de ces bénéfices est que c'est l'une des plus grandes causes pour obtenir la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala et son amour. Car délaisser ce qu'on aime et désire engendre l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala et sa crainte. Le deuxième bénéfice est que l'ascétisme engendre la satisfaction de la subsistance, la richesse de l'âme et l'apaisement. Par conséquent, lorsqu'un bien de ce bas monde va échapper à celui qui fait preuve d'ascétisme, il ne sera pas triste. Et le troisième bénéfice et que celui qui fait preuve d'ascétisme dans ce bas monde, ses épreuves seront plus faciles à supporter. Et il ne se plaindra pas lorsqu'il sera éprouvé, car son cœur est rempli de certitude quant à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a préservé pour ses pieux serviteurs. Quant à la retenue, cela consiste à délaisser ce qui peut te nuire dans l'au-delà. Donc maintenant, nous allons passer au hadith que l'auteur a mentionné, rahimahullah. Il a commencé ce chapitre par le hadith de Nu'man ibn Bashir, qu'Allah l'agré. Abu Abdillah, Nu'man ibn Bashir, qu'Allah les agré, a dit: j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire: certes, le licite est évident et l'illicite est évident, et il y a entre les deux des choses confuses que beaucoup de gens ne connaissent pas. Ainsi, celui qui se met à l'abri des choses équivoques préserve certes sa religion et son honneur, et celui qui tombe dans les choses équivoques tombera dans l'illicite, à l'exemple du berger qui laisse paître son troupeau autour d'un enclos dans lequel il risque de pâturer. N'est-ce pas que tout souverain possède assurément un domaine réservé? Et certes, le domaine réservé d'Allah est l'ensemble de ses interdits. N'est-ce pas qu'il y a dans le corps une bouchée de chair qui, si elle est bonne, c'est tout le corps qui est bon, et si elle est corrompue, c'est tout le corps qui est corrompu, et certes, c'est le cœur. Rapporté par l'imam al-Bukhari et l'imam Muslim. Ce hadith est un fondement immense parmi les fondements de notre législation. Et parmi ce qui montre son importance, le fait que certains savants le considèrent comme étant un tiers de la religion, tandis que d'autres le considèrent comme étant un quart de la religion. L'imam Ahmed ibn Hanbal, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit que la religion tourne autour de trois hadiths. Le premier hadith est celui de Omar ibn Khattab, qu'Allah l'agrée. Les œuvres ne valent que par les intentions, et tout homme aura ce dont il a eu l'intention. Celui qui émigre vers Allah et son messager, alors sa hijra est vers Allah et son messager. Et celui dont la hijra est pour un bien de ce bas monde qu'il souhaite acquérir, ou pour une femme qu'il souhaite épouser, alors sa hijra est vers ce pourquoi il a émigré. Le second hadith est celui de Aïcha, Ummu Abdillah, qu'Allah l'agrée. Quiconque instaure dans notre ordre ce qui n'en fait pas partie sera alors rejeté. Et le troisième hadith est celui que nous sommes en train d'étudier. Et l'imam Abu Daoud, rahimahullah, a ajouté un quatrième hadith, qui est le hadith de Tamim ibn Aws ad-Dari, qu'Allah l'agrée, qui est la religion et la nasiha. Et ces paroles nous montrent à quel point ce hadith est important. Et il est considéré comme une règle dont le musulman ne peut pas se passer dans sa vie de tous les jours. Et il n'y a pas de doute que si les gens appliquent cette règle, ils seront dans un grand bien et préservés de nombreux troubles. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, au début de ce hadith, nous dit: certes, le licite est évident. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de doute sur le fait que cette chose soit licite. Lorsqu'une personne mange de bonnes choses, elle ne doute pas que celle-ci est licite, car le licite est clair. Ensuite, il dit: et l'illicite est évident. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'ambiguïté autour de cette chose, telles que la fornication, boire de l'alcool, l'homosexualité et autres. Tout le monde sait que c'est interdit. Ensuite, il dit: et il y a entre les deux des choses confuses. C'est-à-dire qu'entre le licite et l'illicite, il y a des choses ambiguës. La personne ne sait pas si cette chose est licite ou illicite. Et ceci peut être dans une chose où les savants ont divergé. Néanmoins, ces choses ne sont pas confuses pour tout le monde. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit par la suite que beaucoup de gens ne connaissent pas. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas dit que tout le monde ne connaît pas. Il n'a pas dit ici que tout le monde ne connaît pas ces choses. Et il y a dans cela une indication que certaines personnes connaissent ces choses. L'éminent savant, Al-Sheikh Salih Al-Sheikh, Hafidhahullah, dit en commentaire de cette phrase: il y a dans cette parole une indication qu'il y a des gens qui connaissent ces choses équivoques. Ainsi, il faut demander à ceux qui savent le jugement de ces sujets. Fin de citation. Et ces gens sont les gens de science. Ainsi, il est obligatoire de revenir à eux et de les questionner concernant ces choses ambiguës. Car les savants sont ceux qui ont la clairvoyance et ceux qui connaissent la vérité. Et en revenant à eux, les âmes s'apaisent. Et nous allons profiter de cette occasion pour mentionner certains profits de revenir aux savants. Le premier profit est que celui qui revient aux savants se rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala nous informe que revenir aux savants est une voie bien guidée. Il dit dans le verset 83 de sourate An-Nisa: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. Lorsque leur parvient une nouvelle rassurante ou alarmante, ils la propagent. Et s'ils la rapportaient aux messagers et aux détenteurs du commandement parmi eux, ceux d'entre eux qui savent en découvrir la réalité et la porter auraient su si cette nouvelle devait être diffusée sans la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala en votre faveur et sa miséricorde, vous aurez suivi Shaitan à l'exception d'un petit nombre d'entre vous. Également dans certains versets, Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne de questionner les gens de science lorsqu'on ne sait pas. Il dit Azza wa Jal, Fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Demandez aux gens de science si vous ne savez pas. Tandis que dans d'autres versets, il nous ordonne d'obéir aux gens de science dans le bien. Il dit Azza wa Jal, Ya ayyuha alladhina amanu ati'u Allah wa ati'u ar-rasul wa ulil amri minkum. Ô vous qui croyez, obéissez à Allah, obéissez aux messagers et ceux d'entre vous qui détiennent le commandement. Et ceux qui sont visés par la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala selon le sens, ceux d'entre vous qui détiennent le commandement sont les savants et les gouverneurs, comme l'ont mentionné de nombreux savants, parmi eux Ibn al-Qayyim et Ibn Kathir, qu'Allah leur fasse miséricorde. Le deuxième profit est que celui qui revient aux savants a suivi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car les compagnons, radiallahu anhum, revenaient aux savants parmi eux. Et il y a de nombreuses preuves qui nous indiquent cela. Parmi elles, le Afar, qui est rapporté par l'imam Ad-Darimi, rahimahullah, concernant l'histoire d'Abu Moussa al-Ash'ari et Abdullah ibn Mas'ud, qu'Allah les agrée. Malgré le mérite et le haut rang de Abu Moussa al-Ash'ari, il revenait à Abdullah ibn Mas'ud, radiallahu anhum, lorsqu'il constata que des gens attendaient la prière à la mosquée et étaient assis en groupe, et à la tête de chaque groupe, il y avait un homme possédant une pierre qui disait aux gens de dire 100 fois Allahu Akbar, 100 fois La ilaha illallah, et 100 fois Subhanallah. Et les gens le suivirent dans cela. Après avoir vu cette scène, Abu Moussa radiallahu an partit informer Abdullah ibn Mas'ud. Et lorsque celui-ci entendit l'histoire, il demanda à Abu Moussa qu'avait-il dit à ces personnes? Et Abu Moussa répondit par une parole immense. Et il convient à toute personne, et plus particulièrement à tout étudiant en sciences, de méditer sur cette parole. Il répondit qu'Allah l'agrée, je ne leur ai rien dit. J'attendais ton ordre et ton avis. Radiallahu anhuma. Le troisième est que celui qui revient aux savants a certes suivi les pieux et les gens de bien. L'éminent savant, Cheikh Ubayd, Ibn Sulayman al-Jabiri, qu'Allah le préserve, dit dans son explication de l'exposé de la Sunna de l'imam al-Muzani, qu'Allah lui fasse miséricorde, les pieux et les gens de bien, lorsqu'ils étaient touchés par un événement ou un problème, ils revenaient aux grands savants en les questionnant et en leur demandant une réponse suffisante. Et il dit ensuite, Hafidhahullah, et ceci est une sunna qui a commencé par les compagnons, ensuite par les imams des tabi'in et ceux qui les ont suivis parmi les gens de science, de mérite, de religion et de foi. Quatrième est l'obtention du bien et de la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car celui qui médite sur la situation des gens qui reviennent aux savants, il trouvera qu'ils sont dans un grand bien et dans un bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceci apparaît clairement dans l'histoire de la personne qui a tué 100 personnes. Lorsqu'il est revenu un savant parmi les gens de bien, et il lui a dit de quitter la terre où il avait commis ses péchés, il s'exécuta et suivit l'ordre du savant. Et ce fut l'une des causes qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fasse miséricorde. Et dans la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a également une indication qu'il n'y a pas une chose dans le sujet du domaine de la législation que toute la communauté ignore. Et ceci nous ramène à l'ambiguïté de certains faibles d'esprit, qui est que personne ne connaît le sens des versets équivoques, tandis que d'autres vont te dire que personne ne peut comprendre le Coran et la Sunna, à part une personne qui a regroupé telle et telle caractéristique et qui répond à plusieurs conditions que tu ne trouverais même pas chez certains compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: ainsi, celui qui se met à l'abri des choses équivoques préserve certes sa religion et son honneur. Celui qui délaisse et s'écarte des choses ambiguës préservera sa religion et également il préservera son honneur de tout dénigrement. Car s'il aurait fait cette chose ambiguë, il se serait exposé au dénigrement des gens. C'est pour cela que certains pieux prédécesseurs disaient: celui qui s'expose aux accusations, qu'il ne blâme pas celui qui a une mauvaise opinion de lui. Et donc dans cette phrase, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a tracé la voie à suivre et la méthodologie que le musulman doit utiliser dans son quotidien. S'il est face à une chose confuse et ambiguë et qu'il ne connaît pas son jugement, il lui incombe de questionner les gens de science quant à son jugement. Et s'il ne peut pas, alors il s'en écarte pour préserver sa religion et son honneur. Et il n'y a pas de mal ici à mentionner un exemple. Car comme il fut dit, avec l'exemple, la parole devient plus claire. Donc imaginons que l'on t'informe d'un travail qui est très rentable, mais qui est ambigu. Tu ne sais pas s'il est légiféré ou non. Que dois-tu faire dans ce cas? La réponse est que tu dois délaisser ce travail et en trouver un autre où il n'y a pas d'ambiguïté. Et comme ça, tu auras mis en pratique la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi, celui qui se met à l'abri des choses équivoques préserve certes sa religion et son honneur. Ou bien, tu questionnes les gens de science à propos de ce travail pour savoir s'il est permis ou non. Et malheureusement, certains qui prétendent être des ascètes aguerris et avoir beaucoup de retenue ne vont pas adopter ce comportement vis-à-vis des choses ambiguës. Et ceci nous montre clairement qu'ils sont très loin de ce comportement. Et cette méthodologie qu'a mentionné le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith peut-être également utilisé avec les gens. Lorsque tu vois quelqu'un d'ambigu dans son manhaj et dans ses positions, écarte-toi de lui jusqu'à ce que tu vois plus clair dans son affaire. Et il se peut que ce soit quelqu'un qui marche avec les gens de l'innovation ou qui fait leurs éloges, ou qui les conforte sur quoi ils sont. Par contre, si tu restes avec cette personne, les gens vont parler sur toi et te dénigrer, car tu t'es exposé aux accusations, et également car tu auras failli à l'obligation de rester avec de bonnes personnes, des personnes qui n'ont pas d'ambiguïté et qui sont sur une voie claire et ferme. Et de nos jours, il fait partie des choses très étonnantes le fait que certaines personnes s'offusquent lorsque les gens vont parler sur eux, suite au fait qu'ils tiennent compagnie aux gens de l'innovation. Ils vont dire « Pourquoi les gens parlent-ils sur moi alors que je n'ai rien fait de mal ?» Nous disons à cette personne « Tu es resté avec des mauvaises personnes et donc les gens t'ont considéré comme tel. Car comme il fut dit, dis-moi avec qui tu restes et je te dirai qui tu es. » Ceci est un proverbe bon que nous utilisons dans la religion. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam poursuivit en donnant un exemple. Il nous dit « Et celui qui tombe dans les choses équivoques tombera dans l'illicite, à l'exemple du berger qui laisse paître son troupeau autour d'un enclos dans lequel il risque de pâturer. N'est-ce pas que tout souverain possède assurément un domaine réservé? Et certes, le domaine réservé d'Allah subhanahu wa ta'ala et l'ensemble de ses interdits. On retient de cet exemple la dangerosité de s'approcher des ambiguïtés. Et celui qui fait preuve de retenue s'écarte de tout cela. Ensuite, il finit ce hadith en disant « N'est-ce pas qu'il y a dans le corps une bouchée de chair? Qui, si elle est bonne, c'est tout le corps qui est bon. Et si elle est corrompue, c'est tout le corps qui est corrompu, et certes, c'est le cœur. » On tire de cette parole plusieurs enseignements. Parmi eux, l'importance d'avoir un cœur sain, dénué d'ambiguïté et de tout ce qui peut mener la personne vers le mal. Par conséquent, il incombe aux croyants de préserver son cœur et se détourner de tout ce qui va le corrompre, tels que les innovations, les péchés ou encore quelque chose qui est très connu à notre époque, la musique. Car la musique, chers auditeurs, corrompt le cœur. Car comme l'a mentionné Ibn al-Qayyim alayhi rahmatullah, lorsque la musique rentre dans le cœur d'une personne, elle ne peut pas se réunir avec le Coran. Donc soit on va trouver la musique, ou soit on va trouver le Coran. Également, il y a dans cette parole une réfutation à l'ambiguïté. La foi est dans le cœur. Et malheureusement, cette ambiguïté est très répandue. Certaines personnes qui ne prient pas et qui sont ancrées dans le péché et la désobéissance, lorsque tu vas les conseiller, ils vont te dire « Mon cœur est saint » ou encore « La foi est dans le cœur ». Et en vérité, il y a plusieurs manières de les réfuter. Cependant, nous allons les réfuter avec un argument qu'aucun doué de raison ne pourra rejeter. Quand bien même sa fitra serait encrassée par les innovations et le fanatisme. Nous disons à cette personne, imaginons que Zayd est marié avec Aïcha. Et Zayd a un très mauvais comportement envers elle. Il la frappe, l'insulte, ne s'occupe pas d'elle, la dénigre devant les gens, et beaucoup d'autres choses. C'est alors que le père de Aïcha décide de convoquer Zayd pour parler avec lui, car il est très remonté. Et lorsqu'il demande des explications à Zayd et l'accuse de ne pas aimer sa fille, Zayd répond « Mais bien sûr, j'aime votre fille. Mais l'amour se trouve dans le cœur. Est-ce que selon vous, le père de Aïcha va accepter cet argument? Ou bien va-t-il dire « Si vraiment tu aimes ma fille, alors cet amour doit se traduire par des actes, des attentions et tout ce qui s'ensuit. » Et c'est exactement ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit à la fin du hadith. Si le cœur est bon, cela va se traduire par des actes, des bons comportements et autres. Et lorsqu'il n'est pas bon, c'est là où se trouve le problème. Et ce hadith est un fondement dans la retenue. Par conséquent, celui qui veut se parer de ce merveilleux comportement devra méditer sur celui-ci et l'appliquer.